C'est bon, ça fonctionne. Donc, Johan, je te passe la parole pour nous parler du projet d'Europa City et de la mobilisation qu'il y a eu dimanche dernier. Merci, Adèle. Bonjour à tous déjà. Donc, effectivement, la semaine dernière se tenait à proximité de Gonesse, la ville, sur le triangle de Gonesse, donc une zone agricole pour le moment. Une manifestation contre le projet d'Europa City. Tout le monde sait ce que c'est Europa City? Levez les mains. C'est bien. C'est parfait. Que dire de cette manifestation? Bon, déjà, on a eu du soleil. Donc ça, déjà, c'est une très bonne chose, je dirais. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis désolé, j'ai rien préparé. Disons que la manifestation s'est faite sur quelque chose de très posé au départ, c'est-à-dire que c'était sur toute la journée, avec une première partie plantage d'un petit peu tout, légumes, je crois qu'on avait du fruit aussi, des herbes, enfin pas mal de ce genre de choses. Le but du jeu étant évidemment que des gens du collectif, du collectif pour le Triangle de Gonesse reviennent régulièrement sur le terrain qui nous a été prêté par un agriculteur pour cultiver tout ça. Donc du bio, évidemment, hein, c'est mieux. et puis les récolter, et puis ensuite pouvoir se les partager bien tranquillement. On a eu également, évidemment, plusieurs débats, plusieurs interventions de la part de Bernard Lou, donc le président du collectif, de la part de certaines personnes de Notre-Dame-des-Landes qui sont venues en soutien, évidemment, et on les remercie. Et également de plusieurs personnes représentant des AMAP. Voilà. En gros, et évidemment, on a eu donc une manifestation, petite manifestation sur 1,6 km, si mes souvenirs sont bons, qui s'est également bien passée, même si une petite présence, on va dire, policière, malgré une petite manifestation écolo. Et je voulais justement revenir sur la taille de la manifestation. Donc, on a eu évidemment plusieurs chiffres. Hein, dans les médias, j'ai vu quelque chose entre 500 et 800 personnes. Selon ce que Bernard Lou disait à un moment, on était plutôt autour des 1200-1300 personnes, a priori. Le pari étant, à la base, était de réunir au moins 1000 personnes. Donc déjà, pour ça, le pari est gagné, ce qui est déjà une très bonne chose. Maintenant, ce qu'on pourrait s'étonner, c'est qu'on ait eu que 1000-1300 personnes, parce que c'est finalement pas énorme. On est 10-12 millions, je crois, en Ile-de-France. C'est pas énorme. On parle d'un combat qui est quand même relativement important, parce qu'on parle donc de bétonisation et de stérilisation de terres agricoles qui sont un petit peu, nécessaires à notre vie et à plus ou moins long terme à notre survie. Sachant qu'évidemment, une fois qu'une terre est bétonnée, elle est bétonnée et on ne peut plus rien en faire. En sachant que des possibilités pour faire ce genre de projet, même si celui-ci est pharaonesque, est vraiment, vraiment inutile. Pour quelques personnes autour et qui ne savent pas, Europa City, c'est un projet donc de centre commercial, de méga centre commercial et de parc d'attractions. On parle en l'occurrence d'un centre aquatique et d'une ou éventuellement plusieurs pistes de ski. Alors, je sais que ça peut être intéressant de pouvoir aller faire du ski autour de Paris, mais bon, faut pas déconner. Je me posais la question de pourquoi est-ce que cette manifestation n'avait pas ramené plus de monde. En sachant que, comme je le disais, hein, c'est des terres agricoles, on a éventuellement, d'après ce qu'on m'a dit, certains agriculteurs, au moins un, qui serait éventuellement prêt à faire un test de maraîchage, de culture, de permaculture sur ces terres, ce qui permettrait de ne pas avoir uniquement des céréales, en tout cas des grands champs de monoculture, parce qu'en l'occurrence c'est betterave et blé, je crois. Tu es une grande aide, Thomas. Donc pour l'instant, ce qui est cultivé là-bas, c'est betterave et blé, si je ne me trompe pas. Vu la taille des terres, ce qui pourrait être très intéressant, ce serait de faire quelque chose plus de type maraîchage ou permaculture. Donc de cultiver fruits, légumes, ce genre de choses. Et donc toujours dans l'optique où Opacity ne se ferait pas, ça permettrait surtout à long terme de pouvoir, en tout cas partiellement, nourrir les habitants de Paris avec des fruits, des légumes et au passage éventuellement quelque chose de bio. Ça réduit évidemment l'empreinte carbone parce que ça évite d'avoir à les ramener du Maroc, d'Espagne ou simplement du fin fond de la Creuse. Et ça nous permet d'avoir des choses, ben voilà, un petit peu tout le temps. Ah. Donc il faut aller manifester pour ce genre de choses. En tout cas, disons qu'Europa City, c'est bien, c'est un centre commercial, ça permet d'aller faire ses achats. Enfin, ce sera surtout pour les riches, a priori. Maintenant, un champ, ça permet toujours de bouffer, ce qui est un petit peu plus important, selon moi. Alors, l'acceptabilité du projet, ça, c'est une très bonne question. Je ne suis pas trop expert là-dessus. Je sais qu'il y a des actions en justice qui sont toujours en cours. En sachant qu'on est sur, donc si je me souviens bien, trois saletés, entre guillemets, en même temps sur une même parcelle. C'est-à-dire que au niveau du triangle de Gonesse, il y a donc évidemment il y a la friche PSA qui se trouve à côté, hein, qui n'est absolument pas utilisée. On a des beaux bâtiments, enfin, beaux bâtiments. On a des bâtiments qui sont entièrement vides et qui sont complètement inutilisés. Et évidemment, comme on le sait, ça coûte apparemment plus cher de réhabiliter un vieux bâtiment que de construire sur quelque chose de nouveau et donc construire sur des terres agricoles extrêmement fertiles. En termes de construction de projets, donc il y a trois projets pour l'instant. Il y a le projet d'Europa City évidemment, il y a le projet du village des Jeux Olympiques qui se tiendrait donc du coup sur la friche PSA, et il y a le projet de l'exposition universelle. Bon, évidemment, les trois posent problème. Ce sont des choses qui vont nous coûter extrêmement cher. On sait que, par exemple, les Jeux Olympiques, le pays qui héberge les Jeux Olympiques, ça coûte très très cher aux contribuables, en sachant que donc il y a une enveloppe. Je schématise évidemment, mais il y a une enveloppe qui est fournie et toutes les dépenses qui vont au-delà de l'enveloppe sont payées par le contribuable. Ne vous inquiétez pas, le contribuable ne récupérera pas d'argent dans l'opération. Donc ça coûte très cher. Et ensuite, il y a également donc la question de l'exposition universelle, avec un petit truc qui, en tout cas, qui poserait problème, et d'un point de vue, on va dire, aménagement du territoire, et d'un point de vue également logique, c'est-à-dire que le triangle de Gonesse est situé entre l'aéroport d'Orly et l'aéroport de Roissy. Donc exactement sous les couloirs aériens, principalement de Orly, si je ne me trompe pas. Je dis ça simplement parce que du coup, il y a des réglementations en vigueur en termes de construction. Il y a par exemple pas longtemps un agriculteur qui avait demandé un permis de construire pour se faire construire un hangar, et évidemment on lui a dit non du fait des conditions de construction sur le territoire par rapport au passage des avions. Donc on lui a dit non pour un hangar, hein, qui fait quelques mètres de hauteur. Par contre, avec l'Expo Universelle, il y a un projet de construction d'une boule, donc d'une sphère, qui ferait 150 mètres de hauteur. Donc avec les copains, on a dormi sur place. Hein, pour moi et pour d'autres personnes, c'était la première fois qu'on y allait. Et effectivement, on s'est rendu compte que les avions volent bas quand même. Les avions, on a vu également des hélicoptères qui sont passés au-dessus du triangle de Gonesse. Et pour les avions, je ne sais pas, mais l'hélicoptère, je pense qu'il volait assez bas pour qu'éventuellement il se mange la boule, si jamais elle est construite. Donc là, on est encore face, si vous voulez, à un cas où y a des règles en vigueur qui sont respectées, mais uniquement quand ça arrange, on va dire, celui, entre guillemets, qui a mis les règles en place. On s'attend, en tout cas d'après ce qu'on m'a dit, à ce que évidemment ce type de règles vis-à-vis de l'espace aérien soit plus ou moins contourné, voire vaguement abrogé, en tout cas pour l'exposition universelle. Voilà. Mais du coup, donc sinon pour répondre à ta question, il y a plusieurs actions en justice qui sont en cours pour empêcher donc le groupe Auchan et un milliardaire chinois qui s'appelle Wanda, si je me souviens bien, de pouvoir construire ce centre commercial qui sera absolument une horreur, et d'un point de vue écologique et d'un point de vue panorama aussi, parce que pour l'instant, à part la friche PSA qui est pas ultra reluisante, depuis le triangle de Gonesse on a juste une superbe vue sur Paris, sur le Sacré-Cœur et sur la Tour Eiffel. Donc avec le centre commercial en plein milieu, la vue sera un petit peu moins dégagée, on va dire. Et évidemment, bah, la question de la piste de ski qui fait quand même extrêmement sourire, parce que ça paraît complètement stupide de vouloir fabriquer, enfin de vouloir mettre en place en tout cas une piste de ski autour de Paris. D'autres questions auxquelles je pourrais éventuellement répondre? Sur l'opportunité de construire un nouveau centre commercial dans un secteur où il y en a beaucoup, sachant qu'ils ne sont pas toujours super rentables, entre guillemets, et que bon, ça a pour un des effets de ces constructions de grands centres, c'est d'épuiser les petits commerces de centre-ville. Alors, sur l'opportunité. Alors effectivement, là il y a plusieurs points du coup. Donc effectivement, il y a déjà dans un premier temps, il y a, si je me trompe pas, au moins deux autres centres commerciaux à côté. Donc il y a un grand centre commercial avec un IKEA en l'occurrence qui est à 30 minutes à pied, donc vraiment pas loin de là où ils veulent faire Europa City. Et il y a également, c'est Aéroville, je crois, si je me trompe pas ça. Il y a également Aéroville. Donc Aéroville, c'est un centre commercial qui a quelques années, donc qui est pas vieux, qui est concrètement en train de mourir, c'est-à-dire que simplement les magasins qui sont dans Aéroville sont en train de fermer petit à petit. Toujours, donc d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que m'ont dit les gens du triangle du collectif du triangle de Gonesse, apparemment le prix, donc le coût d'installation d'un magasin à Aéroville, qui normalement dans n'importe quel centre commercial coûte extrêmement cher, est actuellement de 0 euro. Donc c'est pour vous dire à quel point ils cherchent à avoir des magasins, mais bon, ça ne marche pas trop. Et effectivement, c'est extrêmement destructeur pour l'ensemble des petits commerces du coin. C'est-à-dire que vous allez avoir évidemment énormément de boutiques de luxe au sein de ce centre commercial. Le but du jeu pour les promoteurs, pour les magasins qui s'installeraient dans ce type de centre commercial, c'est évidemment de faire venir du monde qui viendront, bah, par exemple de la commune de Gonesse, donc qui se trouve à 1,5 km de là, du monde qui viennent des autres villes à côté, et évidemment tout ce qui est petit commerce de proximité, donc on va parler, je sais pas, de boucherie, de petits supermarchés, de petites supérettes. On parlait de légumes, les marchés qu'on a le dimanche par exemple, il y a un gros gros risque pour que ce genre de commerce soit un petit peu déserté au profit de ce type de centre commercial. Donc ça évidemment ça pose problème. Ça veut dire quand même que in fine les petits commerces risquent soit d'avoir le chiffre d'affaires qui va baisser, ce qui est déjà pas terrible à l'heure actuelle, soit vraiment au pire d'être obligé de mettre la clé sous la porte. Et évidemment, on se retrouve à nouveau dans une situation où on a un géant face à un mini-pousse, en gros. Et le troisième point, ah oui, sur la fréquentation, ça c'est un point qui est quand même assez important. Donc Auchan et Vanda et j'imagine notre cher État prévoit, enfin table sur une fréquentation de 31 millions de visiteurs par an. Donc je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que c'est 31 millions de visiteurs par an, c'est deux fois le nombre de visiteurs de Disneyland Paris. C'est absolument énorme. Alors bon, apparemment, ils espèrent qu'il y ait évidemment des gens du coin, des gens de Paris qui viennent et également beaucoup de touristes. Personnellement, j'aurais envie de dire que le touriste, il passera peut-être une fois par ce centre commercial, mais il n'ira pas à chaque fois qu'il passera par là. Déjà parce que c'est un touriste, donc il vient, il a autre chose à faire. Et en plus de ça, ça reste quand même assez excentré et en tout cas pour le moment c'est pas ultra facile d'accès. On en a un petit peu chié nous pour y aller. Même s'il y a un projet de construction de gare qui pose également problème en tout cas enfin, au collectif parce que ça reste également de la bétonisation de terre. Donc finalement en fait ce type de grand projet, en tout cas sur une question donc de centre commercial, parce que des grands projets inutiles on en a plein. Hein, on peut parler de Notre-Dame-des-Landes, on peut parler de Sivens, on peut parler de. J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête là, si quelqu'un m'aide. Si je crois qu'il y a un projet d'autoroute aussi pour relier ou de route ou de tunnel pour relier la France à l'Italie. Enfin, il y en a plein et de toutes sortes. Mais sur une question donc de sur la question d'Europa City, en tout cas, a priori, ce qu'on peut se dire, c'est que finalement, il va y avoir une opération financière qui va être faite et qui va être intéressante et juteuse entre guillemets, mais elle va être uniquement pour bah, pour Auchan, pour Vanda et pour toute la partie, on va dire, foncière. Uniquement, parce que je ne suis pas sûr que les magasins, une fois installés, vont vraiment faire de l'argent. Et j'espère, en tout cas, je croise les doigts pour que si jamais le projet se monte, la piste de ski n'ait pas de skieurs. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment une abomination en soi de fabriquer une piste de ski indoor là où normalement il ne devrait pas y avoir de piste de ski. Qui doit tout faire, c'est le bordel. Donne un peu de fil. Je parle pas avec mon cul, mais je suis bien assis. Merci. Je voulais savoir, je suis arrivé en retard comme d'habitude. À propos de la fréquentation, si tu es au courant, moi je sais que on parle de la. Enfin, tu viens de parler de la ligne Lyon-Turin, par exemple. Mais c'est en fait c'est la ligne Madrid-Moscou. Mais c'est prévu comme ça, ils le disent pas, mais c'est prévu comme ça. Et sûrement qu'à Gares, il doit y avoir une saloperie de ce genre-là, je veux dire, qui va, je sais pas, à Hambourg. Paris, Hambourg, venant de l'Espagne, etc. T'es au courant de ces trucs-là? Je sais qu'il y a des projets, mais je ne me rappelle pas exactement quoi. Ce projet-là, je ne suis pas extrêmement au courant. C'est-à-dire que je l'ai cité parce qu'effectivement, j'avais lu un article il y a quelques temps, donc ma mémoire est un petit peu défaillante, mais j'avais lu un article sur une construction. Alors, donc a priori, ce serait un train, c'est ça? A priori, ce serait un train, une ligne de chemin de fer. Ah, donc c'est de la route. D'accord. Donc bon, enfin c'est donc du transport et voilà, si je me souviens bien, ça reste de la destruction de territoires, de panoramas, etc. C'est pour ça que je l'ai cité, mais non, j'ai pas plus de détails. En revanche, je peux faire des recherches. Ça, c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou sinon on peut passer donc à la suite et vu qu'on parlait de ligne donc Madrid-Russie, enfin Madrid-Moscou, voilà, je pense que ça colle, ça fait une bonne transition. Alors rappelle-moi par contre, donc du coup le thème c'est pourquoi la Russie a tourné le dos à l'Europe.